بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى. أحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم واكتفى، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم واسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويسر العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة مسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل علم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مغفرانه والبر. ونية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، والدين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. Jusqu'à présent, on s'est arrêté dans le dernier cours sur le vers dans lequel Al-Mu'allif wa rahimahullah ta'ala a dit: فَإِنْ تَزَحَّمَ هَدَدْ مَصَالِحِ يُقَدَّمُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَصَالِحِ وَضِدُّهُ نَعَمْ تَزَحَّمُ الْمَفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الْأَدْنَى مِنَ الْمَفَاسِدِ. Dans ces deux vers-là, Al-Mu'allif wa rahimahullah ta'ala, il a évoqué une qa'ida qui est parmi les plus grandes qawa'id de Al-Qawahid Al-Fiqhiyya. On avait évoqué pourquoi, car cette qa'id à qui est Tazahum Al-Mafasid ou Al-Masalih, elle découle, elle est une branche de la plus grande qa'id de Qawahid Al-Din qui est Jalb Al-Masalih ou Dar Al-Mafasid. Quel est le but de cette qa'id là? Si on te demande d'expliquer en quelques mots, que signifie cette qa'id là qui est تزاحم المفاسد والمصالح. Quelle serait ton explication? Donc il a cette qaida là pour but de faire prévaloir l'acte qui a le plus de valeur à un autre. Et kazalika dans les nuisances, c'est-à-dire de délaisser l'acte qui est plus nuisible que l'autre. Voilà en quelques mots, yani, comment on pourrait résumer cette qaida là. Quelle est la catégorie de cette qaida là? J'entends par là, est-ce qu'elle est kulliya? Est-ce qu'elle est mustanbata? Est-ce qu'elle est juz'iyya? Et là, نعم مستنبطة كلية مستنبطة car c'est l'énoncé, ce n'est pas l'énoncé d'un hadith, لكن on l'a compris par cela. تمام. كما في قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. Donc tous ces adillas et autres, ils nous montrent bien que Cette qaida là, elle était basée sur cette, sur ces adilas là, et ces adilas là ne sont pas l'énoncé de cette qaida là. Le titre ne correspond pas avec ces adilas là. Donc on dit mustambata. Et kulliya, pourquoi? Parce qu'elle ne souffre pas d'exception, comme on a pu le dire. C'est une branche de la qaida kulliya al-jami'a, qui est jalb al-masalih wa dar al-mafasid, qui est une qaida qui est kulliya. Donc il ne souffre pas d'exception. Donc, kazalika, ce qui en découle de cette qaida là. Ceci, cette qaida là nous montre que الدين إلى دي طرق كثيرة تمام الأعمال كسوة دان خير تمام sont nombreuses et à certains moments elles peuvent s'opposer. Si jamais tu n'as pas la capacité lorsque tu es présenté tu as le choix entre deux œuvres, tu ne peux pas œuvrer par les deux, donc dans ce cas là tu fais prévaloir celle qui a, comme tu l'as dit, le plus de valeur à l'autre. Et c'est bien de dire le plus de valeur et ne pas restreindre le fait de la faire prévaloir. Par quoi? En disant il y en a que celle qui a le plus de récompenses. Il peut arriver qu'il y a certains actes qui ont plus de récompenses, lakin tu vas trouver d'autres actes, il y en a dans ce moment là qui seront prévalus, comme on a pu le citer avec le cas de Sitt min Shawwal. Donc il faut dire l'acte qui a le plus de valeur. Al-a'la kama qala rahimahullah ta'ala yuqaddamu al-a'la min al-masalih. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى. لا بدي يقدم الذي أعظم أجرا. لا بدي سوى on fait prévaloir celui qui a plus de récompense, mais celui qui a une plus grande valeur. كذلك qui est dans la capacité au serviteur de l'appliquer. Car tu peux trouver une œuvre dans laquelle tu vas trouver une grande récompense, lakin lorsqu'il sera confronté à délaisser l'une de ces œuvres là, tu verras que peut-être que celle où il y a plus de récompense, il n'est pas dans la capacité de le faire. Donc fait ce que la possibilité de faire, hein, et non pas forcément observer là où est le plus de récompenses. Et kazalika avec al-mafasid, al-mafasid, lorsque tu as de nuisances, tu délaisses celle qui a le plus de nuisances. On avait évoqué kazalika parmi les fawaïd de cette ou plutôt de ce dars là, une mas'ala qui est en découlé de la qaida jalb al-masalih wa dar al-mafasid, qui est appelée نعم مصالح أو نعم مصالح المرسلة مصالح المرسلة. Qu'est-ce que المصلحة المرسلة؟ C'est une chose qui n'a pas de dalil dans le kitab et la sunna précis prouvant son intérêt ou son méfait. نعم هذا هو. C'est الشيء الذي لم يعتبره الشرع يعني إثباتا ولا إلغاء بدليل خاص. Comme tu as pu l'expliquer, plutôt la noter par un dalil qui est précis. Par un dalil qui est précis, pourquoi? Parce que tu peux trouver un dalil qui est haram, tu l'ignores, lakin il est présent. Il est présent, lakin tu l'ignores. Donc à partir du moment que cette chose-là, il n'y a pas un dalil précis, les ulama, il n'y a pas un dalil précis qui montre que c'est un intérêt ou bien c'est un méfait, les ulama, ils ont divergé sur cela. Est-ce que on a la possibilité dans ce genre de situation, dans les choses qui sont prétendues comme intérêt ou bien méfait dans lesquelles il n'y a pas de dalil précis, est-ce qu'il est permis d'affirmer que c'est un méfait ou bien que c'est un intérêt? Quel est l'avis prépondérant dans cette mas'ala? Il faut qu'il respecte des conditions. Serais-tu capable de citer il y en a quelques conditions qui ont été demandées pour cela, les conditionnées? Qui ne contredit pas le kitab et la sunna. Non, ça c'est une condition. Qu'à partir du moment qu'il contredit le kitab ou bien la sunna, ça montre que c'est un méfait. Donc c'est pas un intérêt. Qu'il ne viole pas les choses que l'islam est venu préserver. Non, les desseins de l'islam. Comme ils appellent ça, maqasid al-shar'iyya. Qui ne vient pas violer les valeurs du din, des doctrines, des liens de parenté, du sang et l'akhirihi parmi al-darurat al-khamsa. Al-din, al-nasab, al-mal, din, al-nasab, al-mal, al-aql. J'ai oublié le cinquième. Que la personne qui prétend cet intérêt-là est quoi? C'est un mujtahid dans l'ilm. Al-ammi ou al-talib al-ilm, c'est pas eux de prétendre. Lorsqu'il n'y a pas un dalil qui est précis, que cette chose-là c'est un intérêt ou bien c'est quoi? C'est un méfait. Il faut que ce soit un mujtahid. Que ce soit pas dans les ibadat. Car les ibadat elles sont tawqifiyah, c'est-à-dire qu'elles demandent un dalil précis. Donc à partir du moment où on a dit que c'est une chose où il n'y a pas de dalil précis, on ne peut pas la ramener dans la ibadat. Pourquoi? Parce qu'elle demande un dalil précis. Et ni dans les muqaddarat, c'est-à-dire dans les achiyas lati ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala qaddaran mu'ayyanan. Mithlu ash al-hudud. Celui qui fait zina et qui n'est pas marié, il doit être fouetté 100 fois. Une personne ne peut pas venir et prétendre qu'il y a un bienfait de les fouetter 150 fois. Ça, c'est faux. Il ne peut pas parce qu'il faut un délai précis. Kazalika, que l'intérêt soit général. À partir du moment où il est prétendu que cet intérêt-là il touche une partie de la communauté en dehors des autres, ce n'est pas un intérêt. L'intérêt, il faut qu'il soit général. Car le din, il est venu pourquoi ? L'il-alamin. Wa mursalnaka illa rahmatan lil-alamin. Kazalika, que ce soit pas par le suivi des passions et al-shahawat. Car ces choses-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala, fala tattabi'u al-hawa fayudillaka 'an sabilillah. Ne suis pas les passions car avant t'égarer du chemin d'Allah azza wa jalla. Donc ceci montre que c'est un méfait. Le suivi des passions et des shahawat, ceci montre que c'est un méfait. Donc à partir du moment où l'une de ces conditions-là n'est pas respectée, on ne peut pas prétendre à cette chose-là qu'elle ait un intérêt ou kazalika qu'elle ait un méfait. Et certains des ulama, kazalika, catégoriquement ils ont dit al-masalih al-mursala, le bienfait ou bien le méfait, l'intérêt ou le méfait dans lequel il est prétendu qu'il est prétendu qu'un excès méfait ou un intérêt dans lequel il n'y a pas un dalil précis du kitab et de la sunna, certains ils ont été catégoriques, ils ont dit on ne peut pas, à partir du moment où il n'y a pas un dalil précis, prétendre que c'est un intérêt ou bien que ce soit un méfait. Donc les deux, comme l'a dit Cheikhana Muhammad ibn Hizam, hafizahullah ta'ala, les deux qu'ils se contredisent pas. Celui qui établit qui conditionne ces conditions-là, c'est à peu près le même qu'ol que celui qui dit qu'il n'y a pas de masalih al-mursalah. Pourquoi ? Parce que, comme il dit, « La yakad amyujad masalih yani tuddahanaha mursalah » avec ces conditions-là qui sont respectées. C'est pas, il y en a peu s'en faut pour que tu trouves un intérêt prétendu dans lequel il n'y a pas d'alil précis avec les, y en a ces conditions-là qui sont réunies. Donc ça, c'est pas au ibad, ça revient pas au ibad de prétendre des intérêts et des profits. Allah Azza wa Jalla n'a rien négligé dans le kitab. Tout profit et tout méfait, ils sont évoqués dans le kitab d'Allah Azza wa Jalla, dans lequel il y a une kifaya, comme il dit Jalla wa Ala, aw lam yakfihim anna anzalna 'alayka al-kitaba yutla 'alayhim. Dans ce kitab-là, il y a une suffisance pour celui qui se suffit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On va citer quelques exemples histoire de voir s'assurer que la qa'ada a été bien comprise, c'est-à-dire tazahum al-mafasid al-masalih. Si مثلا la personne elle a oublié de prier salat al-fajr, elle a oublié de prier salat al-fajr. À 9h, il est établi salat al-janaza. À ce moment-là, il se rappelle qu'il n'a pas prié salat al-fajr. Si jamais il va pour prier salat al-fajr, ça va le faire louper quoi ? Salat al-janaza. Lequel des deux il fait prévaloir à l'autre ? Est-ce qu'il prie salat al-fajr ou bien salat al-janaza ? Salat al-fajr. Pourquoi ? Car c'est un wajib. Lakin, salat al-janaza, kazalika, c'est un wajib. Quel est l'élément qui va nous permettre de faire prévaloir salat al-fajr à celle qui est janaza? Donc salat janaza. Là, dans ce cas-là, tu fais précéder quoi? Salat al-fajr. Liqulihi sallallahu alayhi wa sallam nama an salati aw nasiha falyusalliha hina yadhkuruha. Celui qui a oublié de prier une prière ou bien qui s'est endormi, qu'il le prie au moment où il se rappelle. Et kadhalika salat al-fajr, c'est un fard qui est quoi? Aini. C'est une obligation individuelle. Amma salat al-janaza, c'est une obligation qui est quoi? Ani kifay, selon la suffisance. Donc lorsque le fard yani aini, il vient s'opposer avec le fard kifay, tu fais précéder celui qui est quoi? Al-wajib al-aini. Pourquoi? Parce que c'est individuellement qui était demandé de t'acquitter et d'accomplir salat al-fajr. Amma al-kifay, si jamais une partie de la communauté s'en charge, tu n'es pas, plutôt l'obligation n'était pas adressée. Donc dans ce cas-là, tu fais précéder le wajib qui est quoi? Aïni, le wajib aïni. Kadhalika comme un bab al-faïda, Inch'Allah, je pose la question et je reviens tout de suite. On a pu le voir, et plutôt à travers, avant cela, à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hadith al-Qudsi, وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part que le wajib, c'est la chose la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'abd se rapproche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, al-nawafil. Est-ce que c'est possible de trouver une nafila, une surrogation, qui soit meilleure qu'un wajib, sans que ces deux-là s'opposent. Hein. C'est possible cela. Et le cas, comme, c'est le cas de quoi? Naam. Saum, le site de Shawwal. Naam. Lakin, on parle d'yani des ibadat, lorsqu'elles ne s'opposent pas. Hein. Lorsque tu n'es pas confronté à faire, comment ça s'appelle, l'un ou l'autre. Là, on parle de manière générale. Là, je parle de manière générale. Il est possible de trouver un mustahab qui soit meilleur qu'un wajib. Comme c'est le cas de quoi? De le fait de passer salam. Le fait de passer salam, c'est quoi? C'est quelque chose qui est quoi? Mustahab. Le fait d'y répondre, c'est un wajib. Lequel des deux est meilleur? C'est le fait que tu débutes par salam. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, salam, lama dhukara, faqala, rajulan yaltaqiyan, ayyuhuma yabda'u bi salam, qala, awlahuma billah. Deux personnes se rencontrent. Qui des deux est plus à même de commencer à débuter à passer le salam? Nabi Sallam, il a dit, c'est celui qui est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Ceci nous montre que le fait de débuter le salam, c'est meilleur que le fait de le rendre. Malgré que le fait de le rendre, c'est un wajib. Donc ça, c'est comme l'a dit l'imam Riz ibn Abdus Salam, c'est des cas exceptionnels. De manière générale, le wajib, c'est celui qui est meilleur que al-mustahab, laquelle tu peux trouver dans des cas. Le mustahab, il est meilleur que quoi? Que al-wajib, comme c'est le cas. De passer le salam, c'est meilleur que de le rendre. C'est meilleur que de le rendre. Donc ça, c'est parmi tam al-fawaid. Inch'Allah, on poursuit dans le matin. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min qawa'id al-shari'ati taysiru, fi kulli amrin nabahu ta'siru. Dans ce bait-là, dans ce vers-là, al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, il nous fait part d'une qa'ida nouvelle parmi les qawa'id de al-fiqhiyya dans le din. Cette qa'ida-là est plus connue dans, sous le titre de al-mashaqqatu tujlibu al-taysir. La difficulté ouvre les portes à la facilité. Lorsque tu es confronté à une situation, une ibada dans laquelle tu y trouves une difficulté, le din te facilite et t'ouvre les portes à la facilité. Délaisser ces choses-là afin de ne pas te mettre des gênes dans ton din. Cette qa'ida-là, la quatrième qa'ida, parmi les qawaid qu'on a pu voir précédemment, donc celle-ci, c'est la quatrième qa'ida. Cette qa'ida-là, kazalika, comme les précédentes, c'est une qa'ida qui est quoi? Kulliya mustanbata. Kulliya, c'est-à-dire qui ne souffre pas d'exception. Mustanbata, qui est déduite des textes du kitab et de la sunna, qui n'est pas un énoncé du kitab, ou plutôt d'un dalil du kitab, ou de la sunna. Cette qa'ida-là, c'est-à-dire qu'elle ne souffre pas d'exception. À tout moment où la personne sera confrontée dans ses adorations à y trouver une difficulté, le din légifère dans ce cas-là la facilité, qui délaisse cette chose-là et prend la facilité. Al-mashaqqatu tujlibu at-taysir. Voici pourquoi al-mu'allif rahimahullah il a dit, wa min qawa'id ash-shari'ati at-taysir, parmi les règles de cette religion, terme de la législation islamique, at-taysir, la facilité. Fi kulli amrin nabahu ta'sir. À chaque fois que le musulman sera confronté à quoi? À une difficulté. Donc cette qa'ida-là, c'est une qa'ida qui est mabniya ala ar-rahma. Elle est basée et établie sur la miséricorde par laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, comme a dit Allah azza wa jal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous, on t'a envoyé à Muhammad que, en tant que miséricorde pour l'univers, c'est-à-dire avec la douceur. Donc ce dîn-là, c'est un dîn de douceur, c'est un dîn de facilité. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna hadha din yusrun. Cette religion, c'est une religion de facilité. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ba'ithu bi al-hanafiyyati samha. J'ai été envoyé par la religion de l'unicité, al-hanafiyya, c'est-à-dire d'adorer Allah azza wa jal, et de s'écarter du tarot et de ceux qu'elle adore. Al-Hanafiyya al-Samha, c'est-à-dire la religion qui est basée sur l'aisance et la facilité. Wa qala subhanahu wa ta'ala, fattakumullaha mastata'atum. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme vous le pouvez. C'est-à-dire qu'au moment où tu trouves une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala te légifère de délaisser la difficulté ou la chose dans laquelle tu ressens une difficulté et prendre la facilité. Wa qala jalla wa ala, na'am, la yukallifu Allahu nafsan illa mus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne cherche pas un âme au-dessus de ses capacités. Jamais tu ne peux pas, tu n'es pas il ne t'est pas demandé de faire ces choses-là dans lesquelles tu trouves une difficulté, une gêne. Pourquoi? Parce que ce dîn-là, il n'est pas venu pour mettre des gênes, lakin pour apaiser. Parce qu'il a été établi sur la rahmah, qala jalla wa ala, wa ma ja'ala alaykum fi dîn min haraj. On n'a pas placé dans cette religion des gênes. Des gênes, c'est-à-dire faire des choses, faire des ibadat qui sont venues pour une rahmah lil alamin, et tu y trouves dedans une difficulté et un malaise. Donc ce dîn-là, il rejette ces choses-là. Pourquoi? Car il est établi sur la qaïda al-yamira qu'on a pu voir, jalb al-masalih wa dar al-mafasid. Le dîn, il est venu pour apporter à l'humanité les intérêts et les profits, et pour les écarter, les épargner de tous les méfaits, qu'ils soient mondains ou religieux, dans la vie d'ici-bas ou bien dans l'au-delà, comme c'est le cas pour cette qaïda-là, al-mashaqqatu tujibu at-tayshir. C'est une branche parmi les branches de cette qaïda-là qui est basée sur la rahma et l'aisance et non pas sur la gêne et le fait que al-'abd il trouve il soit mal à l'aise même dans son dîn. Wa qala jalla wa ala yuridu Allahu bikum al-yusra. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité. Donc c'est le cas kadhalika avec cette qaïda là. Lorsque tu trouves une difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas pour toi te mettre des gênes et des difficultés, lakin il veut pour toi la facilité. Yuridu Allah bikum al-yusra. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Lorsque je vous ordonne une chose, faites-la du mieux que vous le pouvez. فَأْتُ مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ كَذَلِكَ. Tous ces adilins-là nous prouvent et nous montrent que ce dîn-là, il est venu pour épargner les ibad de des choses dans lesquelles ils peuvent trouver une difficulté. Donc ces adilins-là qu'on a pu citer, ce sont les adilins-là qui montrent que cette qaïda-là, elle est bien établie. Et l'ijma, il est établi sur ça, que cette qaïda-là, elle est mise en vigueur. أَلْمُشَقَّةُ تُجِبُ تَيْسِيرٌ. Car il y a de nombreux adillah qui nous prouvent cela, de nombreux adillah qui prouvent yani cette qaïda-là. Cette qaïda-là, comme certaines qu'on a pu voir précédemment, nous montre que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala huwa ad-din al-haq. Pourquoi? Parce que tu trouves une cohérence entre ces qawa'id. Une qaïda, comme on a pu voir avec jalb al-masalih wa dar al-mafasid, cette qaïda-là, elle a plusieurs branches. Et elles sont tous liées sous les mêmes valeurs, qui est quoi? D'apporter les profits et de mettre à distance les ibad, des choses qui ne sont pas des intérêts pour eux. Donc ceci nous montre que cette qaïda-là, c'est plutôt que nous montre que ce dîn-là, c'est le dîn al-haq. Inna dîn indallah al-islam. Ce qawahid et le fait qu'il y a une cohérence entre ces qawahid-là et qu'elles sont tous établies sur une même valeur nous prouve que cette religion-là est vraiment la religion de vérité. Car si jamais elle aurait été d'un autre d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on irait trouver certainement des divergences comme qu'a jalla wa ala wa law kana min 'indi ghayri Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Et si jamais ce dîn aurait été révélé par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aurait certes, ou on aurait trouvé certes dedans de nombreuses contradictions. Et ce n'est pas le cas avec ce dîn là, dans lequel on peut voir que ces qawa'id l'une et l'autre sont cohérentes et bâti sur les mêmes valeurs. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Al-mashaqqa fi al-lughah al-arabiyya siqa al-diq wa al-ta'b. C'est le fait d'être mal à l'aise et la fatigue, al-ta'b. Ils l'ont défini dans inda ulama al-qawa'id comme étant al-amr al-'arid ba'da an lam yakun fi 'amalin min al-a'mal التي إذا عمل بها الإنسان يعني يستلزم من ذلك الضرار. تمام؟ donc c'est l'œuvre ou plutôt يعني المشقة, c'est la chose qui survient après qu'elle n'était pas, dans laquelle si jamais un abd تمام il applique malgré cela, il va trouver une difficulté. تمام il va trouver une difficulté ou plutôt il va pouvoir la faire lakin avec une grosse difficulté, avec une grosse difficulté. معنى المشقة تجلب التيسير معنى تجلب c'est comme on a pu le voir avec جلب المصالح, c'est-à-dire à la porte. Lakin ce qui évolue ici c'est تجلب. تمام المشقة تجلب التيسير. تمام la مشقة la difficulté. تمام la difficulté lorsque tu œuvres d'une œuvre dans laquelle tu ressens une difficulté, elle oblige d'ouvrir la porte vers quoi? La facilité. تمام تجلب التيسير. التيسير c'est quoi? C'est là facilité. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Lorsque je vous ordonne une chose, فأتوا منه الله النبي صلى الله عليه وسلم فات ce que vous pouvez تمام si jamais c'est dur pour toi tu fais ce que tu peux تمام tu fais ce que tu peux et tu ne te mets pas les gênes dans tes œuvres car ce dîn là il est venu pour enlever les gênes ما جعل عليكم في الدين من حرج on n'a pas placé dans ce dîn des gênes. Donc à tout moment comme l'a évoqué le mu'allif rahimahullah ta'ala où le abd sera confronté à trouver des difficultés dans son dîn et ne doit pas il doit délaisser la difficulté et prendre la facilité car Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a ordonné cela kadhalika la darar wa la darar ni que tu fais du mal et ni kadhalika tu fais du mal à autrui. Donc le fait d'œuvrer une œuvre dans laquelle tu trouves une difficulté tu es en train de rentrer en contradiction avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit la darar ne te fais pas du mal à toi-même. Donc celui qui œuvre dans une œuvre où il trouve une difficulté malgré cela il sera mis à lui-même ta même des nuisances et ça c'est une chose dont le dîn n'est pas venu pour cela comme on a pu le voir dans la qaïda dar al mafasid. Pourquoi? Parce que c'est des choses où il n'y a pas quoi, il n'y a pas un intérêt dedans, hein? Et l'islam il est venu pour le profit des ibad, pour le profit des ibad. Donc Naham évoqué la norme de al mashaqqa. Quelle est la mashaqqa qui est dans la religion Naham considérée comme étant une mashaqqa, comme étant une difficulté? Car العباد تام الناس يعني يختلفون تام الناس في أنفسهم يختلفون ils sont tous différents. Certains vont trouver une difficulté dans des choses et d'autres ne vont pas en trouver. Donc quel est ce drabit, quelle est cette norme par laquelle on peut savoir et connaître quelle est la mashaqqa, quelle est la difficulté qui lorsqu'elle est trouvée elle oblige la facilité. كما قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. Cette ayah là nous montre quel est le dabit de la mashaqqa, quelle est la norme de la mashaqqa. C'est celle dans laquelle l'abd, lorsqu'il va la mettre en application, il va trouver quoi? Une gêne. Il va se sentir mal à l'aise dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Ça, c'est le meilleur dabit qu'on peut trouver à la mashaqqa, afin de pouvoir établir qu'est-ce que la mashaqqa fit din à l'islam. Donc c'est celle qui, lorsque l'abd le fait, il va trouver quoi? Une gêne. Et il va se sentir mal à l'aise dans cette œuvre-là. Il pourra la faire, lakin, avec difficulté. Avec difficulté. Et ça, c'est contraire aux valeurs de l'islam. Comme dit subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il l'apaise et il ouvre sa poitrine pour qu'il accepte l'islam. C'est-à-dire qu'il l'apaise. Cette religion-là, c'est un dîn d'apaisement. Et non pas un dîn dans lequel tu trouves des contraintes et que tu es mal à l'aise dans tes œuvres. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui œuvre en bien, c'est-à-dire sincèrement et conformément au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit un homme ou une femme, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire vivre une vie qui est agréable, c'est-à-dire avec les œuvres pieuses. Donc dans ces œuvres pieuses-là, tu trouves une vie agréable et un apaisement quand même, et un apaisement, et dans le fait de s'écarter du dîn, c'est là que tu trouves le haraj, c'est là que tu trouves la gêne et que tu seras mal à l'aise. Comme dit subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ. Celui qui s'écarte de mon dîn, il va trouver des gênes dans sa vie, des gênes dans sa vie. Donc l'apaisement et le bien-être, c'est dans l'islam et dans les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans l'islam. Tout ça pour nous montrer, plutôt pour prouver que ces œuvres-là, les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a obligé de recommander, c'est des œuvres dans lesquelles le mu'min, le abd, il trouve une aisance, un bien-être, une aisance, un bien-être. Donc c'est-à-dire à partir du moment que cette valeur-là va être violée, elle va t'obliger à prendre l'issue dans laquelle tu vas retrouver cette valeur-là, c'est-à-dire à délaisser la difficulté et à prendre la facilité. Cette norme-là, il est important qu'à العبد المؤمن يكرين الله سبحانه وتعالى نص القاعدة له المشقة تجلب التيسير car c'est pas toute mashaqqa qui est prétendue qui oblige la facilité terme qui oblige la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala par rahma للعباد غير نسيان il a évoqué une norme qui est quoi générale, c'est à dire الحرج. À partir du moment où tu trouves un haraj, une difficulté à faire une chose dans ton dîn, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ça, c'est la norme de la mashaqqa. Al-Ibad, ils peuvent s'amuser à cette qa'ida-là et trouver des mashaqqas, yani qui n'ont pas lieu, qui sont prétendus. Allah subhanahu wa ta'ala, même si jamais il n'a pas évoqué de manière précise quelles sont ces mashaqqas-là, comme c'est le cas dans certaines ou d'autres, yani, des choses dans lesquelles il est venu une définition bien précise, dans lesquelles, yani, on peut fermer la porte à ceux qui ont en eux, yani, le suivi des passions. C'est pas parce que ça a été évoqué d'une manière générale que l'un abd, ça lui ouvre les portes à l'amusement et à suivre les passions. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit, « Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-alim al-khabir » Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît bien celui qui l'a créé. C'est-à-dire que si jamais tu mens au ibad en disant, en prétendant des difficultés alors qu'il n'y en a pas, pour trouver la facilité, si jamais tu mens au ibad, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Et comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, « Thumma turadduna » إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Et ensuite vous serez amené vers Allah subhanahu wa ta'ala l'omniscient et il va vous mettre au courant des œuvres que vous avez faites dans la vie d'ici-bas. Donc tu peux te mentir à toi-même ou mentir aux autres, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il sait parfaitement ce que tu fais. Il sait parfaitement dans les moments où tu trouves des difficultés dans lesquelles il est légiféré que tu délaisses cette obligation-là pour une autre chose et dans lesquelles il n'y a pas de difficultés. Donc Al-Abd, même s'il joue en prétendant aux autres qu'il y a le mashaqqa, donc il ne peut pas faire cette œuvre-là, on juge la personne, il y en a seulement l'apparence. S'il nous dit cette chose-là, on le croit. On n'est pas les gardiens des ibad. On n'est pas les gardiens des ibad et à surveiller les ibad, est-ce qu'il y en a vraiment, il y a une difficulté dans ce qu'il prétend ou pas. Celui qui prétend une chose, il retrouvera Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt son jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a menti, il trouvera son jugement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais il a été sincère, c'est une rahma et une rahsa, comme on voit, une dérogation. Et il a été dispensé de délaisser cette œuvre-là. Donc ceci pour nous dire que Al-Abd, il y en a qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il observe vraiment les critères qui sont légiférés. Si jamais il y a une difficulté vraiment, il la délaisse. Si jamais il n'y a pas de difficulté, qu'il ne s'invente pas lui-même des excuses pour délaisser une obligation par. Parce que lorsqu'on dit que Al-Mashaqqa tujlibu at-taysir, c'est-à-dire que on est en train de parler de quoi? Des œuvres qui sont obligatoires, dans lesquelles la personne va trouver une difficulté. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, si jamais tu trouves une difficulté, tu peux la délaisser. Tu peux la délaisser pour une autre. Si jamais tu te mens toi-même en prétendant qu'il y a une difficulté alors qu'il n'y a pas, tu es en train de délaisser quoi? Un wajib, c'est-à-dire que tu t'exposes. Yawm al-qiyama, si jamais tu ne fais pas tawba, au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le wajib, ma'ruf, comme a fait l'usul et comme on a pu le voir dans Sifat al-Salah, celui qui le délaisse, il est exposé yam al-qiyama à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il le châtie. Donc il y en a qui ne se réjouit pas de se trouver des excuses en délaissant les obligations, en prétendant qu'il y a des difficultés, car il est en train de délaisser une obligation. Le fait que tu délaisses une obligation, ça c'est très grave. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِنَ فِيهَ أَبَدًا. Dans ce ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que délaisser ou plutôt désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ouvre les portes à quoi? À l'enfer éternel. Ça ouvre les portes à l'enfer éternel. Et qu'à les cas, n'am, mimma yadoul ala adam jawaz adal fiyam, qui n'est pas autorisé de s'amuser dans les choses dont les normes sont générales, globales et larges, anaddin hada, il est venu pourquoi? Pour sortir les ribas du griffe, des griffes de l'hawa. T'as même de le griffe de l'hawa, celui qui prétend une difficulté alors qu'il n'y a pas, il est en train de suivre par là sa hawa. Pourquoi? Parce qu'il ne suit pas le kitab et la sunna. En dehors du kitab et la sunna, c'est quoi? C'est le hawa. Et le fait de suivre ses passions, c'est grave dans l'islam. C'est très grave dans l'islam. Comme l'ont dit les ulama, man tatabba'a rukhas tazandaq. Celui qui se prétend des excuses pour délaisser les obligations, il prétend à chaque fois qu'il est dispensé qu'il a des dérogations. Si jamais ce n'est pas le cas, ils disent les ulama, ça c'est le bab zandaqa, c'est-à-dire al khuruj min din, que par ce biais-là, il se voit pas à pas sortir de l'islam. Man tatabba'a rukhas tazandaqa. Celui qui se prétend des excuses alors qu'il n'y en a pas, il est en train d'ouvrir à lui-même les portes de l'apostasie. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal 'afiya, comme qala jalla wa 'ala, afara'ayta man ittaba'a ilahahu hawa وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه بعد الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre bien, ou plutôt dans cette ayah-là, elle affirme yani, totalement ce qu'on dit les ulama, c'est-à-dire que celui qui se prétend des excuseurs qu'il n'y a pas, il s'ouvre les portes de l'apostasie. Pourquoi? Car celui qui suit sa passion, comme il a dit Jalla wa Ala, il a certes placé sa passion comme si jamais c'était quoi? Une divinité. À chaque fois qu'elle lui ordonne une chose, sa passion, tu le vois se soumettre à sa passion-là, comme al-abd al-mu'min al-taqi, et se soumet à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en faisant cela, c'est comme si jamais elle avait pris sa passion comme divinité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle lui ordonne une chose, il se plie et se soumet au désir de ces passions-là. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il réserve à ces genres de personnes-là qui suivent, et qui suivent leur passion? Qala khatama ala sam'i, il scelle son nuit, wa qalbihi, et son cœur, wa ja'ala ala basarihi rishawa, et il met et l'étend un voile t'as même sur ses yeux, c'est-à-dire que cette personne-là, comme a dit l'ulama, ça va l'ouvrir la porte à la zandaqa. Pourquoi? Si jamais son nuit, elle n'est pas profitable, c'est-à-dire que tu vas la rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, laquelle c'est comme si jamais il était sourd. Pourquoi? Parce qu'il a suivi ses passions, Allah il l'a rétribué par quoi? Le fait qu'il scelle son nuit, c'est-à-dire même si jamais tu le conseil ne sera pas profitable à cette personne-là. Wa khatama ala qalbihi, et son cœur kazalika, il est scellé. C'est-à-dire que même si jamais il entend, il ne pourra pas entendre. Pourquoi? Parce que ma'ruf, le cœur, c'est l'élément de réception des fawaïd et des nasaih. C'est le cœur qui, yani, comme a dit subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. C'est le cœur qui résonne. La raison, elle est dans le cœur chez les musulmans et non pas dans la tête. La raison, elle est dans le cœur. C'est-à-dire, si le cœur est scellé, النصائح والتوجيهات, les orientations et les conseils, ils ne seront pas profitables à cette personne-là. C'est-à-dire que tu vas le conseiller ou l'ordonner. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, ce ne sera pas profitable. C'est-à-dire qu'il va suivre un autre chemin que l'islam, c'est-à-dire en dehors de l'islam, il n'y a pas quoi, il y a quoi que azandaqa, tamam. Qu'y a-t-il en dehors de la guidée, excepté l'égarement? Même si tu le montres la guidée, ça ne sera pas profitable. C'est-à-dire que la personne-là, comme a dit l'ulama, azandaqa, il va finir par quoi? Apostater. Ça nous montre le méfait et le danger de suivre les passions, surtout dans les choses où l'islam, il a mis des normes qui sont quoi? Larges. Donc que les gens qui ont une tendance et un penchant à suivre leur passion ne se réjouissent pas de savoir et de connaître que il y en a de penser que dans les choses larges il y a un makhraj et une issue pour eux, là il y a une bab de zandaqa. Donc la personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, car de suivre des passions et s'excuser, se trouver des excuses, c'est une chose qui est très dangereuse. Wa qala jalla wa ala, ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fiydhillaka an sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là nous a prouvé que le fait de suivre les passions, c'est une chose qui mène à l'égarement, c'est-à-dire à une voie autre que l'islam. Fa ma za ba'da al haqq illa al dalal, soit le haqq ou bien soit quoi? Al dalal, soit l'islam ou soit le kufr, soit l'iman ou soit quoi? Yani l'hypocrisie. Donc ceci nous prouve, Adil Allah nous montre le danger qu'il y a dans le fait de suivre Ar-Rukhas. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention à ces choses-là dans lesquelles les normes sont larges. Il n'y a pas là une porte qui est ouverte au suivi des passions, lakin à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et d'accepter cette sadaqa, cette aumône qui est la dérogation et la dispense. Lorsque tu trouves une difficulté, comme ça a été venu dans le hadith, c'est une sadaqa min Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala te fait une aumône, c'est-à-dire qui te permet de délaisser l'obligation et de passer à une autre chose parce que tu as une difficulté, tu trouves une difficulté. Donc c'est une sadaqa et non pas une la'ba, c'est pas un jeu, c'est une sadaqa min Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les masaïl, les sujets qui sont bons à évoquer, on sait que al-mashaqqatu jibtisir, la difficulté à l'obusqua, la facilité. Si jamais une personne, malgré cela, il trouve une difficulté, مثلاً, celui qui est malade et qui a un jeûne à jeûner de Ramadan, il est en plein journée de Ramadan, lakin il est malade, il y a une maladie qui ne le permet pas de jeûner. S'il jeûne, il va trouver une grosse difficulté, même peut-être que ça va ajouter maladie sur sa maladie. Cette personne-là, malgré cela, il se dit, je vais faire un effort sur moi-même et je vais jeûner. Cette personne-là, Aslan, a été excusée de jeûner. Il avait une capacité, laquelle dans cette capacité-là, il y avait une grosse difficulté. Ce dîne-là, il est venu pour enlever les difficultés. quel est le jugement de son jeûne? Est-ce que son jeûne est accepté ou il n'est pas accepté? Et Kazalika, d'une manière générale, est-ce que tous les actes dans lesquels l'arabe y trouve une difficulté et ensuite il accomplit quand même cet acte-là dans lequel il trouve une difficulté, est-ce que cet acte-là il est maqboul ou bien il est rejeté? Ibn Qudama, il a évoqué dans l'exemple que je vous ai cité, c'est-à-dire dans celui qui jeûne malgré qu'il est dispensé, il dit que son jeûne et kadhalika les autres œuvres tamam, de ce même type sont acceptées. Là, ce qu'il a fait, c'est makruh, tamam, c'est détestable. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé cette dispense-là, cette dérogation qui lui a été donnée. Tamam. Et comme on a pu le voir, délaisser la difficulté lorsque tu la trouves, ça fait partie des aumônes. Tamam. C'est une aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, comme dans le hadith عند l'imam al-Bayhaqi, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait rahas, dans les dérogations, il a dit, il les a cités comme étant une aumône. Qala huwa hiya sadaqatun min Allah subhanahu wa ta'ala, faqbalu sadaqatun. C'est une aumône d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc acceptez l'aumône qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Donc délaissez, c'est-à-dire accomplir une œuvre avec une difficulté, c'est comme si tu délaissais la sadaqa qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Et qui ose délaisser, yani une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Si Allah te tend la main et te donne une chose, il ne faut pas la rejeter. Donc ça nous montre, comme l'a dit l'imam Ibn Qudama, œuvrer avec la difficulté, c'est une chose qui est makruh. Une chose qui est makruh, c'est un interdit. Donc c'est-à-dire qu'il y a quoi? Un méfait. Comme on a pu le voir, tout méfait, toute interdiction, que ce soit une interdiction totale ou bien que ce soit, qu'elle soit détestable, c'est un méfait, comme on a pu le voir à travers la qa'ida dar al-mafasid. Dar al-mafasid. Kadhalika, parmi les adillas qui nous prouvent cela, la dara wa la dira. Donc ceci nous prouve kadhalika que œuvrer avec difficulté, tu es en train de te mettre des difficultés dans la main. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela. Il a interdit cela, lakin, c'est pas, il n'a pas commis un péché. Lakin, c'est détestable. Pourquoi? Parce qu'il s'est ouvert les portes à la nuisance sur lui-même. Et l'islam, il est venu pour rejeter cela, comme on peut voir à travers Al-Qa'ida. Donc ça, c'est de manière générale ce qui a été évoqué dans cette Qa'ida-là. Al-Mashaqqatu tujlibu at-taysir. La difficulté, elle ouvre les portes à la facilité. Inch'Allah, on va rajouter une petite Qa'ida, qui est à peu près comme celle qu'on a pu voir. Qala rahimahullahu ta'ala wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a at-tarari. Et nous dit Cheikh rahimahullah ta'ala qu'il n'y a pas d'obligation lorsque tu n'as pas la capacité, et qu'à Zalika, l'interdiction lorsque tu es dans la nécessité, elle n'est pas prise en considération. Il n'y a pas d'interdiction lorsque tu es dans la nécessité, lorsque tu es dans le grand besoin. Ces deux qawa'id, qu'à Zalika, c'est une branche de cette qa'ida-là qui est quoi? Al-mashaqqatu tujlibu at-taysir. Car celui qui n'est pas capable de faire une chose, c'est qu'il y trouve une difficulté. Donc dans ce cas-là, la chose dans laquelle il trouve une difficulté, elle n'est pas obligatoire. Et les adillah qu'on a pu évoquer, qui montrent que cette qa'ida-là, plutôt, c'est une qa'ida qui est sahiha, toutes les adillah qu'on a pu évoquer, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Tout ce qu'on a pu évoquer comme adillah nous prouvant que la véracité de la qa'ida al-mashaqqatu tujibu at-taysir, ces adillah là kadhalika sont évoquées dans cette qa'ida là qui est quoi, yani la wajib ma'a al-'ajz, il n'y a pas d'obligation lorsque tu es dans la capacité. Donc cette qa'ida, ces adillah là nous prouve que cette qa'ida là c'est une qa'ida qui est sahiha, car elle est bâtie sur les deux lumières, le kitab et la sunna, et toutes qa'ida qui sont établies sur le kitab et la sunna, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, sont des qa'ida qui sont quoi? Sahiha. Des qawa'id qui sont sahiha, comme il est évoqué dans Sharh Qawa'id al-Arba'a. Donc tout ce qui est établi sur les deux lumières, c'est des qawa'id qui sont sahiha. Cette qa'ida là, qui est plus connue sous le nom de la wajib ma'al ajz, et kazalika, la wajib bil-aqtidar, il n'y a pas d'obligation si jamais tu es dans l'incapacité. Cette qa'ida là, kazalika, comme la qa'ida qu'on a pu citer précédemment, c'est une qa'ida qui est quoi? Mustanbata et kulliya. Mustanbata qui est déduite du kitab de la sunna et kulliya, c'est-à-dire qu'elle ne souffre pas d'exception. À chaque fois que tu vas trouver que tu seras dans l'incapacité de faire une obligation, cette obligation-là, elle ne devient plus obligatoire. Parmi les choses qui est bon d'évoquer dans cette qaïda-là, le farq, la différence qu'il y a entre quoi, al-rajz ou al-mashaqqa. Donc la qaïda qu'on a pu évoquer précédemment, c'était le mashaqqa tout jiboutessir. Donc elle était quoi? Murtabita, liée à la mashaqqa. Et là, c'est quoi? C'est la rajz ou la wajj ma'al rajz. Donc là, le qaïda là, elle est liée à quoi? À une chose qui s'appelle al-rajz, l'incapacité. Donc quelle est la différence entre al-rajz ou al-mashaqqa, ou en français, entre la difficulté et l'incapacité? Ma'ruf. La difficulté, c'est une chose que tu es capable de faire, laquelle lorsque tu la fais, tu vas trouver dedans un malaise, une gêne, une contrainte. Tu vas te sentir vraiment mal, elle va te nuire. Laquelle tu peux le faire, laquelle la nuisance, elle est prépondérante à même. Et amma an'aj, c'est une chose que tu es incapable de faire. Une chose qui est incapable de faire. Prendre un exemple, la personne qui peut prier debout, laquelle lorsqu'il prie debout, il ressent un mal, il se sent mal à l'aise. Et l'autre qui est carrément, il est handicapé. Il ne peut pas se tenir debout. Donc il y a un farq entre les deux. Le premier ne peut pas se lever, le deuxième il peut se lever, laquelle avec gêne et difficulté. Ça c'est le farq qu'il y a entre quoi? Al-mashaqqatu wal-ajz. La difficulté et l'incapacité. Cette qaïda là, la wajib bil-aqtidar ou la wajib ma'al-ajz, nous prouve, ou plutôt nous laisse apparaître une condition qui est totale dans la religion, qui est quoi? La capacité. Al-qudra. Toute œuvre dans l'islam est conditionné de cette condition-là, c'est-à-dire d'avoir la capacité de pouvoir faire cette œuvre-là. Si jamais tu n'as pas la capacité, cette obligation-là ne t'est pas adressée. Comme qala subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wa qala jalla wa ala, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah comme vous le pouvez. Selon votre capacité. Si jamais tu n'as pas la capacité, tu ne peux pas te décharger de l'obligation qui t'a été adressée. Donc al-qudra, c'est une condition qui est total dans toutes les œuvres de l'islam. Il est demandé au abd qu'il ait la capacité de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a demandé. Car Allah subhanahu wa ta'ala il est hakim. Et ordonner une chose à une personne qui est incapable de la faire, ça c'est pas de la hikmah, c'est pas de la sagesse, c'est de zulm. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est pas injuste, il est hakim. Donc, ça c'est Al-Adillah qui nous montre que Al-Qudra c'est une quoi? Une condition qui est totale dans toutes les œuvres. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la sagesse. Je t'ordonne une chose, pourquoi? Parce que tu as la capacité. Amma si Allah azawajal, il ordonne une chose à des personnes qui n'ont pas la capacité, ça c'est du zulm. C'est du zulm. Et Allah subhanahu wa ta'ala est l'exemple du zulm. Inni harramtu zulma ala nafsi. Comme qala jalla wa ala fi al-hadith al-qudsi. Je me suis interdit à moi-même l'injustice. Wa qala jalla wa ala, wa ma rabbuka bidhallamin lil-abid. Et ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. Al-qudra, la capacité dans l'islam, elle se divise en deux. T'as une qudra qui est dit shar'iyya et une qudra aadiyya. Al-qudra est shar'iyya, c'est-à-dire que tu es, ton corps, il est dans la capacité, tes membres n'ont aucun handicap, lakin, il y a une chose shar'iyya qui t'empêche de faire cela, c'est-à-dire que c'est comme si jamais tu étais quoi? Incapable. Comme c'est le cas de quoi? Des personnes qui ont qui ont les menstrues parmi les femmes. Ces personnes-là ne peuvent pas prier. Est-ce que c'est par incapacité ou bien parce qu'elles ont un handicap, là, elles sont en pleine santé, là, elles ont une chose qui les empêche de pouvoir faire ces choses-là, qui font comme si jamais elles étaient quoi? Incapables de pouvoir prier, qui est quoi? Al-hayd, t'as même les monstrues. Donc ça s'appelle quoi? Une incapacité, t'as même lakin qui est quoi? Shar'iyya, t'as même shar'iyya. Et celle qui est, al-qudara, al-hadiyya, t'as même c'est celle à partir du moment où tu ne trouves pas d'handicap dans tes membres, t'as même, t'es en pleine santé. Ça c'est ce qu'on appelle la qudra al-adiyya, c'est-à-dire salamatul a'dha min al-uyub, c'est-à-dire que tes membres sont exempts et sont épargnés de tout handicap. Tu es capable, totalement capable de pouvoir faire ces choses-là. L'incapacité dans le din catholique, c'est large, même c'est pas forcément que au niveau physique. Catholique, comme on a pu le voir à travers les exemples qu'on a cités, c'est catholique. Ça peut toucher le niveau qui est quoi? Il y a ni financier à l'akhirah. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ordonné à ceux qui n'ont pas les moyens financiers de faire le hajj, de le faire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le hajj, lakin pour ceux qui ont la capacité de le faire, ceux qui ont la capacité de le faire, même si jamais ils ont aucun handicap dans leur corps, lakin ils ont un handicap qui est quoi, financier, qui font qu'ils sont comme si jamais ils étaient incapables et dans l'incapacité de faire cette chose là. Donc ça peut être l'incapacité, elle peut être kazalika physiquement ou bien quoi, financièrement et autres. Et cette qa'ada là, comme la qawa'id qu'on a pu évoquer, elle est mabniya ala quoi, à rahmah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas des gènes dans la religion. Si jamais tu es incapable de faire une chose, tu ne le fais pas. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, salli qa'ima, fa illam tastati' fa ala jamb. Prie debout. Si jamais tu n'as pas la capacité, fais-le assis. Si jamais tu n'as pas la capacité, yani mets-toi allongé, ou plutôt sur les côtés. Donc ce dîn-là, il est venu, yani rahmatin lil alamin, comme a dit jalla wa ala. Il est venu pour apporter des profits et non pas des gènes et des complications et des contraintes dans le dîn des gens. Tamam. Wa min rahmatillah subhanahu wa ta'ala 'ala al-'ibad, c'est que le abd, celui qui a une habitude d'œuvrer quotidiennement d'une chose, tamam, lorsqu'il est dans l'incapacité, Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim, de sa pleine miséricorde, il lui réserve la pleine rétribution, comme si jamais cette personne-là le faisait. Ça montre la rahma de ce dîn-là, et que ce dîn al-haq, que c'est un dîn qui est venu vraiment pour le profit des ibad. Et c'est les ibad qui, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui se refusent d'entrer au jannah ou là. Le jannah, Allah subhanahu wa ta'ala, a mis dans les chemins pour y emprunter d'énormes profits, même d'énormes profits. Comme ceci a été évoqué dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, متفقون عليه بيان دون صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Lorsque le serviteur tombe malade ou bien qui part en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui compter la rétribution des choses dont il avait l'habitude d'œuvrer lorsqu'il était un résident et en pleine santé. Donc ceci nous prouve la rahma de cette dîn-là. Même si jamais tu étais dans l'incapacité de faire une chose dans laquelle tu avais l'habitude de faire, tam qui était coutumière, là qui n'a été incapable pour cause de maladie ou autre, cause de safar, donc tu es préoccupé par d'autres choses, c'est pas par répulsion ou bien parce que tu n'as pas envie de le faire, là qui t'es préoccupé par une chose ou bien t'as un handicap. Allah subhanahu wa ta'ala te donne la rétribution comme si jamais tu le faisais. C'est-à-dire que ça nous montre le fadl et le mérite, la vertu de s'habituer à œuvrer. Ça nous exhorte à œuvrer et à être constant dans l'ibada, car on n'est pas à l'abri de tomber malade ou bien d'être préoccupé par une autre chose. Lakin, lorsqu'on a l'habitude de faire une chose, on était constant dans cette ibada là, le jour où tu seras occupé, tu seras malade dans la capacité de le faire, alors subhanahu wa ta'ala va te donner la rétribution, yani comme si jamais tu l'avais fait avec, dans la capacité. Donc ce dîn là, c'est vraiment un dîn d'arrahma, un dîn plein de profit et d'intérêt, comme a قال جل وعلا تمام. Et ça nous montre vraiment que c'est vraiment le din al-haq, un din dans lequel il n'y a pas de contradiction, et qui chacune des qawa'id ou chacune des ibadat, chacune des choses qui sont évoquées dans ce din se joint les uns les autres, il n'y a aucune contradiction. Ceci nous montre vraiment que ce din là, le din de l'islam, c'est vraiment la religion de vérité, et que celui qui la délaisse, comme قال subhanahu wa ta'ala ومن يبتغي غير الاسلام دينا فَلَيْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. Celui qui délaisse le dîn de l'islam avec tous les profits qui sont trouvés dans l'islam, eh bien, كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ. C'est vraiment un perdant. C'est vraiment un perdant. Il s'est privé vraiment des grands profits et des grands intérêts. Et c'est vraiment كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Et qui d'autre que le faible d'esprit, as-safi, yani peut s'écarter de la religion de l'islam. C'est vraiment que le Kamaqala subhanahu wa ta'ala safi, celui qui est vraiment, qui est faible d'esprit, qui n'a rien dans la tête, qui peut que s'écarter de la religion de l'islam, car il est venu pour, comme profit, intérêt et rahma pour les ribas, celui qui s'en écarte, c'est vraiment Kamaqala subhanahu wa ta'ala un safi, quelqu'un qui est vraiment faible d'esprit, qui n'a rien dans la tête, et qui s'est agréé à lui-même en faire. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. vous rentrerez tous au paradis, excepté celui qui sera refusé. Et qui se refuse, ces énormes profits qu'il y a dans l'islam, cette miséricorde qu'il y a dans l'islam. Donc, voici en gros ce que contenaient ces qawaid qu'on a pu le voir. Al-mashaqqa tujibu at-taysir et kazalika aish. La wajib ma'a al-ajz. Et le deuxième bait, dans lequel il dit wala muharraman ma'a at-tarari, inshallah on le laisse pour une prochaine fois, dans lequel on va profiter inshallah. Parce que cette qaïd al-kazalika, on va voir toutes les personnes qui prétendent des darurah. Non, c'est un hal de darurah. Je prends du riba parce que je suis dans un cas extrême, ceci, cela, tamam. Ça, c'est ma'rouf chez les ikhwan et kazalika chez les autres. Elle est utilisée à mauvais escient, cette qaïd là. Donc, on va laisser, inshallah, un temps un peu plus large pour bien expliquer et montrer les choubouhats de ces personnes-là. Et kazalika, on va en profiter, inshallah, pour faire un résumé du livre Al-Hujaj al-Kashifa de Sheikh Abu Hatim Yusuf al-Dizayri, dans lequel il a évoqué une partie de l'égarement qui se trouve dans Sheikh Ubaid, le fait qu'il, kazalika, il lui est connu, il lui a été remarqué qu'il a utilisé cette qa'ida-là, il y en a un mauvais escient. La qa'ida qui est quoi? Ad-darura tubih al-mahzurat. Les cas extrêmes, il légifère les interdits. Il légifère les interdits. On va, inshallah, évoquer la plupart de ces fatwas-là dans lesquelles Cheikh Ubaid, hadahullah, il a utilisé à mauvais escient cette qaïda-là afin que les gens prennent garde de ces fatwas, car celui qui est montré d'une bonne image, alors que lorsqu'il fait des fatwas, il peut t'emmener loin, c'est une personne qui, il faut que tu sois au courant de son hal, afin de te préserver de son mal, afin de te préserver de son mal, inshallah. Donc dimanche prochain, donc on a changé les jours, car on trouve une difficulté dans le vendredi, donc inshallah tabaraka wa ta'ala, dimanche prochain. Nas'a Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'ana wa an yarzuqana ilman yanfa'ana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Non, vas-y la question, faddan. Comment c'est un poème et qu'il y a le nom du prophète alayhi salam dedans? Naam. C'est une bonne question. Al-Bukhari dit quoi? Al-Bakhil man dhukirtu 'indahu falyusalli 'alayhi. Al-Bakhil, c'est qui? C'est celui qui, lorsque je suis cité, il ne prie pas sur moi. Ensuite, les ulama, ils ont divergé. Est-ce que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligée ou pas? Yani, wallah alam, al-zahir, c'est quoi? C'est qu'elle est obligatoire. À partir du moment qu'elle a été évoquée, tu dois prier sur lui. Tu dois prier sur lui. Wallahu ta'ala a'lam. Lakin, wallah alam, est-ce qu'on peut voir des ulama? Ça, c'est juste histoire de se motiver dans les questions-réponses, même. Comme l'a exhorté Cheikh Al-Uthaymin, il dit, At-talib al-ilm, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité dans l'ilm, c'est bien qu'il ne reste pas inerte. À chaque question qu'il est posée, il va voir l'alim. Et kazalika, il ne se base pas sur ses questions et réponses. Lakin, il essaie de faire un effort d'interprétation, quand même, par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné. C'est-à-dire, il s'exerce. En autre terme, yani, on répond comme ça, juste histoire de savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes, et ensuite on demande au ulama. Si jamais notre réponse elle était semblable au ulama, alhamdoulilah, et si jamais elle était fausse, on rectifie. Hein, on rectifie. Donc là c'est juste, minbab, c'est plus un conseil, hein, plus un conseil qu'une fatwa, c'est pas une fatwa. Hein. Ce qu'on peut voir, yani, que certains, et lorsqu'ils récitent des poèmes dans lesquels, comme tu as dit, il évoquait le nom du prophète, sans cela on ne les voit pas prier, hein, on ne les voit pas prier, et on ne voit pas qu'à lesquels les ulama ont été réprimandés. Les personnes qui sont auprès d'eux, qui récitent ces poèmes dans lesquels il évoquait le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on ajoutera cette question-là à Cheikh. En tout cas, le faire, ça c'est clair net. Tu peux le faire, ça c'est clair net. Et là, la question c'est, est-ce que si jamais tu ne le fais pas, tu as un péché? Car le psaume dit, Al-Bakhil, man dhukirtu 'indahu falyusalli 'alayhi. T'aimes l'avare, c'est celui qui, lorsque je suis évoqué, il ne prie pas sur moi. Amma, que tu peux le faire, ça c'est la shakwa la raibafi. Est-ce que si jamais tu le délaisses, t'as un péché? Inch'Allah, ça c'est la question qui sera adressée à un des alim, inch'Allah, wa tabaraka wa ta'ala. S'il y a d'autres questions, inch'Allah, ou sinon, on se contente de faire là. Inch'Allah, donc. Barakallahu fikum ala al-hudur. Jazakumullah khairan. Tfaddalu jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.